l'agonie, livre 3, chapitre 12. Cette nuit-là encore, des chrétiens orientaux se réunirent, non plus à la Transtévérine et au Viminal, mais dans les ruines d'un temple latin dévoré de parasitaires, sur la voie Ardeatina et communiquant, par des passages secrets, avec les catacombes creusées dans les terres arénacées. Gaël y avait emmené Madée, que Christos attendrissait surhumainement. Et les mystères de la vie, le sang bu dans la coupe d'or, le rituel de volupté mystique, tout s'accomplit. Et Madée, désespérée, se donna à des chrétiens sous la clarté miséricordieuse qui se mouraient d'une lampe à lueur violacente sous le regard d'une grande face de Christos divinement peinte à la muraille, pendant que le bon Gaël chantait un hymne à l'agneau, un délicieux hymne soulevant les âmes bien au-dessus des corps. Les deux amis retournèrent ensuite à la Transtévérine, par la campagne, la voie Appia, le Pomerium, le pont Sublicius, enjambant le Tibre non plus jaune mais rouge, comme un flot de lave du sol dégorgé. Zal et Sévéra traversèrent un couloir aux parois droites de Cemeterium. La catacombe s'enfonçait, avec, à droite et à gauche, des niches losanges de corps, désignées d'inscriptions, ornées de feuillages, d'allégories, de croix, de thés, de colombes posées sur des bords de vase et de poissons nageant dans de l'eau très claire, à peine striés d'écume blanche. Un jour gris coulait, droit venu d'un fond là-bas éclairé par un luminaire, et plus ils allaient, plus les tombes, les niches, les loculus et les sarcophages se multipliaient dans des cubiculas et des arcosolias. Voici le loculus qu'avec Maglo j'ai creusé, et où tu feras porter mon corps quand mon âme s'en ira rejoindre Christos. Je l'aménageai, orné et parfumé pour le dépôt suprême, qui n'est peut-être pas loin, le jour où tu apportas des fleurs dans ma chambre, t'en souviens-tu? Il s'apesantissait sur la mort, en laquelle il trouvait des délices particulières. Tremblante, elle se serrait à lui. Non, ce ne sera pas seul qu'on t'y apportera, mais avec moi, morte aussi. Il marchait toujours, elle de plus en plus frémissante, ses mains vaguement se promenant à la taille de Zal. Et, une question se posant sur ses lèvres, soupirante, rougissante, émotionnée, elle fit « Pourquoi pas faire comme les autres frères? Pourquoi pas consommer notre amour en la paix de Christos ?» Sa chasteté s'évanouissait à présent sans combat. Elle s'offrait candidement, et tout son être vibrait en dedans avec des ardeurs qui l'enfiévraient. Mais Zal, secouant la tête, se dégagea. « Non, notre âme en resterait souillée, vois-tu? Attendons, après la mort, nous nous donnerons dans le sein de l'agneau. » Sévéra se rapprocha. Suppliante. Alors ne m'emmène plus aux assemblées des chrétiens orientaux. Il descendait, et c'était une obscurité plus dense, à peine rayée de lignes luisantes de sarcophages et de tombes. Une odeur de mort leur remplissait la gorge, et ils se serraient, silencieuses et oppressées. La main de Sévéra erra sur la chair de Zal, qui bondit. Non, non, laisse. Je ne t'aimerai plus, non. Je ne t'aimerai plus, sœur, si tu continuais. Ils s'en séparaient, farouches et délicats. Elle le rejoignit amèrement. Pardonne, je ne l'ai pas fait exprès. Si Christos le veut, je me commanderai, je me maîtriserai, mais tu ne m'emmèneras plus aux assemblées des chrétiens orientaux. » Un silence que Sal coupa tout à coup. « Nous n'attendrons pas longtemps, sœur, quelques jours encore, car Christos me dit que ça va être bientôt la fin. » Il remontait, le jour renaissait, les lignes des tombes s'accusaient davantage et des salles blanchoyaient en des fonds de couloirs vite atteints. Tout était propre et net, muet et paisible. Pas une vie n'apparaissait dans cette mort. Nulle bête, nul homme, rien, rien. À de flottantes clartés, leurs ombres dansaient, souvent confondues, et ils regardaient cette absorption mutuelle de leur ombre avec ravissement. Ils approchaient sans doute d'une issue ouverte sur la campagne, car, de minute en minute, la lumière devenait large. Des bandes de soleil glissaient de trous ignorés, mettant de l'or sur des peintures à peine plaquées. Le cémétérium sonnait de rumeurs qui surprirent Zal. « Nous devons être du côté du camp des prétoriens, » hasarda-t-il. En effet, ils débouchèrent dans un arénaire abandonné, au fond d'un étroit ravin, bordés d'onopordes dressés en candélabres, où la catacombe expirait sous un taillis de ronces haut comme un autel. Ils en gravirent la pente de sable brûlé. De là, ils virent toute Rome à leur gauche et, devant eux, le camp des prétoriens, troublé de grands cris. « Je le pressentais, » dit Zal, « Christos me l'avait bien dit. » Il levait les mains, une clarté sur sa face fine et courbarbue, les yeux au ciel rouge, prenant les mains de Sévéra en une effusion mélancolique qui la fit frissonner. Elle essayait de le ramener au bas du ravin, où, qui sait, elle eut enfin vaincu sa terrible chasteté. Il la baisa seulement au front, ses rêves de pureté affluant en lui, à ce matin dont le soleil vineux ressemblait à un œil de cyclope aux glaireuses lueurs. Vois, les prétoriens se révoltent, ils tueront Elagabalus, et nous, qui avons uni la pierre noire à Christos, nous partagerons le sort de l'empereur. Et il l'entraînait vers Rome sans même retourner la tête vers le camp. « Cependant, nous ne devons pas laisser périr Elagabalus, » reprenait-il. « Non, nous ne le devons pas. Elagabalus aide au triomphe de Christos. Avec Gaël et les autres, nous nous opposerons aux prétoriens. Nous nous opposerons à Mammea et à son fils. Par Elagabalus, Christos a davantage étendu sa grâce. L'agneau vint manifestement. Christos désire par Elagabalus sauver Rome, qui s'enfonce de plus en plus dans le vice, le crime et les excréments. » Il s'animait et courait au milieu de la route où des gens fuyaient à Poltronie. « Ah, malheur, malheur! Ah, malheur! La prostituée veut changer de lit. Elle n'a pas assez du sang des hommes et du sang des femmes. Elle en veut encore. » Mais Christos, qui est grand, la laissera croupir dans ses excréments, jusqu'à ce qu'elle crie miséricorde, à lui, l'agneau trois fois saint qui la sauvera, mais sans empereur ni César. Puis il redevenait tendre, et ses anciens pressentiments entièrement le reprenaient. Je le sens, je ne survivrai pas. Tu connais le loculus, tu m'y feras porter. Et je t'attendrai dans son sein, à lui, toujours bon, toujours puissant. Le peuple est, avec Elagabalus, ceux qui se sont éjouis de son avènement. Et nous sommes de cela, car Christos nous commandait d'aider l'empereur à pourrir davantage Rome pour que sa victoire fût plus éclatante encore. Des groupes de citoyens couraient, traversés par des cavaliers galopant éperdument. Derrière eux, une voix aiguë, coupée de tout sautement, cria « Oui, c'est elle, et c'est lui, Ruska !» Il se retournait, et Glycia, que soutenait le fidèle Ruska, les atteignait. Sévéra pâlit. Zal retint les deux poings du vieillard dressés sur elle. « C'est ton épouse, et Christos ne m'a pas suggéré de te la ravir. Reprends-la donc si tu la veux. Elle t'obéira, car l'épouse doit suivre l'époux. » Sa voix, d'amertume, se troublait, pendant que Sévéra, pleurant doucement, se voilait d'un pan de sa palla. Mais Glycia se débattit, tout à fait furieux. « Je savais bien qu'elle était avec toi, l'épouse de Glycia. Elle est aussi avec Elagabalus, avec Gaël, avec Maglo. Mais les prétoriens vont tout tuer, et vous irez avec votre Christos aux mines où l'Empire vous condamnait jadis. » Et il leur désignait le camp des prétoriens qui pétillait d'armures remuées. Depuis le départ de Sévéra, il avait pris l'habitude d'errer dans la campagne avec le double désir de la revoir et de la battre. Il en était devenu à demi fou. Des confusions extraordinaires se faisaient dans son cerveau. Sa haine des empereurs syriens s'étendait aux chrétiens orientaux qui le soutenaient, surtout à Christos, poussant insolitement les dieux romains vers la dislocation de tout. Il n'avait plus revu Sévéra, n'osant, par fierté, demander à Lancilla sa demeure. Se doutant jalousement de sa cohabitation avec Zal, et secrètement espérant en sa chasteté. Mais il n'en paraissait que plus insensé, et, devant le Perse, il voulut être le maître impitoyable. « Lui-même te conseille de revenir, et je te veux, non pour te pardonner, mais pour te châtier, donner ton corps aux bêtes, te couper la tête, te crever les yeux et te déchirer la peau. Viens, viens que je te tue !» Sa main crochue s'abattit sur les épaules de Sévéra qui poussa un cri. Zal alors se révolta, et sa tendresse, son amour, une grande humanité perçant sous l'apôtre, le précipita sur Glycia, qui lâcha Sévéra. Elle se jeta dans les bras du Perse. « Sauve-moi ! Non, je n'irai pas avec lui, je ne le suivrai pas. » « Je te tuerai, je te couperai la tête et te crèverai les yeux !» s'exclamait Glycia, qu'entraînait Ruska. « Voici les prétoriens, je les dirigerai vers la maison de ton Zal, et ton Zal mourra avec toi. Et je ferai tuer Elagabalus, avec Gaël, avec Christos et avec tous ceux qui usent de ton corps. » Il lui jetait des injures ignobles qui se perdirent dans l'éloignement. La campagne se couvrait de cavaliers isolés et de soldats débandés. Toute secouée, elle vibrait de clameurs d'hommes, de hennissements de chevaux et de sons de trompettes. Des onagres et des catapultes dressaient vaguement leurs bras en échafaudage. Des trompes d'éléphants serpentaient dans l'horizon, des bêtes rugissaient. Et du camp, comme d'un foyer, des fumées roulaient, emplissant l'air épais. Des étincelles s'en échappaient pour s'éployer en pétillement d'incendie. « Tu resteras chez Gaël, » dit Zal à Sévéra, « car ton époux, qui est patricien, pourrait diriger des soldats vers notre maison, et il te frapperait et te torturerait. » Il la quitta, et, en pleine rue de Rome où ils étaient, l'embrassa sur une joue, saintement. Chancelante, elle marcha très vite, traversa le Vicus Tuscus, franchit le pont Sublicius, entra chez Gaël, qui, tranquillement, faisait virer son tour. Un rayon, qui rougeoyait dans la poterie et donnait à l'argile des tons violents, comme sorti du four à peine, qui s'entrevoyait dans une lueur ronde et terne, éclaira d'un vague flamboiement madé et amont, assis et muet, et plaqua des traînées de sang sur les murailles de briques qui s'allumèrent de ce soleil. « Toi, sœur ? » s'exclama Gaël. Quelque chose de très grave se passait pour qu'elle vînt sans âle. Il crut à un grand malheur. « Esal !» Elle lui apprit l'agitation du camp, les bruits de soulèvement, les courses de cavaliers et le débandement des soldats. Et de grandes clameurs se traînèrent au dehors, du peuple coula désordonnément dans la voie, tout Rome s'emplit de tumulte grandissant. Gaël pâlit légèrement. Gangus et Lixio s'arrêtèrent. Madé et Amon prêtèrent l'oreille, inquiets. « Si les prétoriens se révoltent, s'exclama Gaël, c'est qu'ils en veulent à Elagabalus. Et Elagabalus tué, Christos souffrira, ainsi que l'affirme Zal. Nous allons à son salut, pour le triomphe de l'agneau. » Il partit, suivi de Gangus et de Lixio, tous trois cachant sous leurs tuniques de longs couteaux. Mais quelques secondes après, il revint, embrassa Madé, Amon et Sévéra. « Je reviendrai ce soir, restez ici, et si Cordula me demandait, ne lui dites pas que je suis allé vers Elagabalus. » Un gros pleur mouilla ses yeux, rapidement essuyé de sa main fleurante d'argile. Il voulait paraître détaché du monde, sans amitié, sans amour, sans rien qui pût attendrir son cœur ordinairement bon. Sévéra, Madé et Amon se virent seuls dans l'atelier de Gaël. Sévéra anxieuse pour Zal, Madé rêvant obscurément d'arracher Attilius au danger probable de cette révolte. Amon revoyant Alexandrie où il se promettait de retourner. Car l'Égyptien, aidant à sa manière Gaël qui l'avait recueilli, en doublant sa clientèle, en plaçant de ses vases chez les Romains riches, en rendant son travail très fructueux, avait retiré des bénéfices de son ingéniosité. Sans plus songer à la traîtresse Géphuna, il comptait partir bientôt pour retrouver dans sa patrie une de ces belles jeunes filles qui se baignent dans les eaux du Nil, et, peut-être, refaire sa fortune dans un commerce à nouveau de lentilles d'Égypte. Les rumeurs croissaient, pas assez puissantes encore pour ne pas entendre à cette heure la voix de Skébaous criant de son port salé, qu'avec son grand poignard il débitait calmement à des citoyens qui le quittaient aussitôt pour courir vers Rome, d'où des fumées s'élevaient, violentes et larges, en colonnes de sang. Thank you.